L'actualité à Nancy et ailleurs. Le Salon Résonance, Salon européen des métiers d'art, vous donne rendez-vous du 9 au 12 novembre au Parc des expositions de Strasbourg. Ninon Dorienzo, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la Fédération régionale des métiers d'art d'Alsace, la FREMA, qui organise donc ce rendez-vous, 7e édition, donc cette année, pour ce Salon Résonance. Avant d'en parler, est-ce que vous pouvez nous présenter le rôle de la FREMA, la Fédération régionale des métiers d'art d'Alsace ? Alors, la FREMA a pour vocation de faire la promotion et le développement du secteur des métiers d'art sur l'Alsace. Vous portez donc l'organisation de ce Salon Résonance qui a lieu tous les ans ou pas ? Oui, tout à fait. Oui. Depuis 2012. Cette année, ce sera donc du 9 au 12 novembre au Parc des expositions de Strasbourg. Plus de 200 créateurs seront présents au Parc des expositions. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est un très beau chiffre cette année, notamment qu'on a pu atteindre grâce à la présence de notre invité d'honneur, le Japon, cette année, qui sera présent avec plus d'une vingtaine de créateurs japonais sur cette édition. Alors, qu'est-ce qu'on appelle métier d'art ? Alors, métier d'art, ce sont des métiers où il y a transformation de la matière avec une plus-value artistique. On est à la frontière entre l'artisanat et l'art, mais toujours avec cette plus-value artistique. Plus de 200 artisans et créateurs qui seront présents, ils viennent de toute l'Europe ? Oui, tout à fait. Toute l'Europe et puis même pour la première fois donc le Canada et le Japon. Voilà. Alors pourquoi le choix du Japon ? Comment ça s'est fait ? Ça s'est fait en fait suite à une rencontre avec le consul général du Japon de Strasbourg, car l'année 2018 est l'année du japonisme en France qui célèbre le 160e anniversaire des relations franco-japonaises. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a souhaité mettre en valeur ce pays cette année. Ce rendez-vous, donc, qui a lieu tous les ans, ça a une grande importance pour vous en tant que fédération, mais pour les créateurs et artisans, qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que c'est important pour eux de pouvoir présenter leur travail et leurs œuvres ? Oui, tout à fait, parce que ce sont souvent des artisans qui sont isolés dans leurs ateliers et qui n'ont pas de boutique. Donc c'est vrai que ce type de salon représente vraiment une occasion de présenter leur dernière collection, leur dernière création, et de les commercialiser auprès d'un public qui est ciblé. C'est vrai que c'est un indéniable levier économique pour les professionnels qui y participent. On peut le voir à travers l'affiche de cette 7e édition, avec une œuvre de Eliane Monin. Vous pouvez en dire quelques mots ? Oui, bah écoutez, Eliane Monin participe depuis plusieurs années au salon. Et c'est vrai qu'on est très sensible à ces créations. Là, du coup, cette petite maison jaune qui en plus représente l'habitat, voilà, nous a attiré. Et puis la couleur aussi très Pepsi nous a plu pour cette édition. Quel public vous attendez ? Qui sont les visiteurs de ce Salon Résonance ? Alors, c'est un public d'amateurs métiers d'art, mais aussi de collectionneurs et de professionnels comme des galeries, des boutiques, architectes d'intérieur, des restaurateurs, des hôteliers qui viennent chercher ici des pièces d'exception, ou un public effectivement qui découvre et qui peut tout à fait repartir avec ses cadeaux de Noël à des prix tout à fait abordables. Est-ce que c'est un secteur qui se développe ? Est-ce qu'il y a de jeunes créateurs qui s'installent dans la région notamment ? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un secteur qui attire beaucoup les jeunes. On a beaucoup de reconversion, des jeunes qui ont mené des études tout à fait classiques et qui, une fois arrivés sur le marché du travail, se rendent compte qu'ils ont besoin de ce contact avec la matière, ce besoin de création, et finalement bifurquent vers les métiers d'art. Ces métiers d'art, ils touchent vraiment tous les domaines, aussi bien la bijouterie que l'habillement. Il y a des choses un peu originales ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a effectivement du bijou et de l'habillement. On a du bois, du verre, beaucoup de céramique. Et puis, on a des métiers un petit peu plus rares, comme de la laque, on a un orfèvre qui est présent, on a un créateur de vélo pour la première fois, ainsi qu'un créateur de lunettes. Et vous, d'un point de vue plus personnel, en tant que directrice de la FREMA, quel métier vous attirerait le plus ? Alors moi, c'est le bois qui m'attire le plus. C'est vrai ? C'est une matière qui, que j'aime, le toucher, l'odeur. C'est vraiment vers les métiers du bois que... Enfin, c'est ceux-là auxquels je suis le plus sensible. D'accord. Alors donc, ce Salon Résonance, c'est l'occasion de faire toutes ces découvertes. Peut-être même, vous l'avez dit, de trouver ces petits cadeaux de Noël qui approchent. On peut peut-être redonner toutes les infos pratiques. Donc ça se passe au Parc des expositions de Strasbourg, du 9 au 12 novembre. Il y a une participation à l'entrée. Comment ça se passe ? Oui, alors l'entrée est payante payante, elle est à 7 euros du vendredi au dimanche. Le lundi, il y a un tarif réduit à 5 euros. Et sinon, l'entrée est gratuite pour les moins de 18 ans et les étudiants. Voilà, de quoi découvrir, même pour les plus jeunes. Pourquoi pas trouver une nouvelle manière de s'exprimer. Comme vous l'avez dit, certains jeunes se redirigent plutôt vers les métiers d'art. Pourquoi pas? Ce sera aussi l'occasion, bien, j'imagine, d'en parler directement avec ces créateurs. Tout à fait. Et c'est vrai que pour les plus jeunes, nous avons également des ateliers qui sont mis en place pour une découverte ludique de la matière. Alors, on peut retrouver toutes les infos où? Sur le site du salon, www.salon-resonance.com. Est-ce que vous avez un dernier mot pour donner envie aux gens de se rendre à cette nouvelle édition? Bah écoutez, c'est vrai que pour la première fois, on aura des démonstrations d'exception qui seront projetées et commentées avec trois créatrices d'exception. Donc voilà, ce sera une nouvelle découverte pour cette année. Ça peut donner envie à certains, voilà, ce sera super. Merci à Ninon Dorienzo, directrice de la Fédération régionale des métiers d'art d'Alsace, qui nous présentait la 7e édition du Salon Résonance, qui vous ouvre ses portes du 9 au 12 novembre au Parc des Expositions de Strasbourg, le Salon européen des métiers d'art. Pour plus d'informations, www.salon-resonance.com. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.